Nous vivons un temps, et je me demande si tous les temps n'ont pas été un peu comme celui-ci. De Superman, de He-Man, de Zorro, de James Bond ou d'Astérix avec sa potion magique. Le monde réclame des héros, et les médias les produisent. Est-ce que la dure réalité a créé un tel besoin de fiction? C'est possible. Par ailleurs, il est des gens qui pensent que le chrétien, le disciple de Christ, est ou devrait être un homme extraordinaire, courageux, ignorant la peur, toujours de bonne humeur, trouvant la solution à tout. Il est vrai que plusieurs des disciples mentionnés dans le Nouveau Testament, les apôtres d'abord, tant d'autres par la suite, sont devenus des héros dans le domaine de la foi. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Néanmoins, nous ne le ferons pas dans le cadre de ces émissions. Bien au contraire, j'aimerais parler avec vous de la faiblesse, de la fragilité et même des défaites de ceux que le Seigneur Jésus a appelés, qu'il appelle et qu'il appellera encore. Une parole de l'apôtre Paul peut nous donner immédiatement la vraie optique pour notre sujet. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Quelques exemples tirés de la vie des 12 vont nous convaincre de la vérité exposée par Paul. Un certain jour, Jésus a donné l'ordre aux disciples de passer sur l'autre bord de la mer de Galilée. Jésus lui-même a pris place dans la barque, tout derrière, sur un coussin. Pendant que les disciples ramaient, Jésus s'est endormi. Et tandis qu'il dormait, une grande tempête s'est levée. Les flots se jetaient dans la barque qui se remplissait d'eau. Ils étaient en péril et lui, Jésus, dormait. C'est la panique. L'effroi les ayant saisis, ils s'approchent de lui, le réveillent et de leur cœur angoissé sort ce cri. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? Seigneur, sauve !» Le Seigneur a menacé le vent et la mer. Le vent a cessé et le calme est revenu. Maintenant, le Seigneur s'adresse à ses disciples, ceux qu'il préparait pour les envoyer prêcher l'Évangile. « Pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» J'aime ce récit. Et pourtant, ces hommes sont effrayés. Ils ne bravent pas les éléments, rien d'héroïque. Mais j'aime ce récit parce que nous y voyons que les cadres que le maître a choisis sont des hommes comme moi, peut-être comme vous. Et je l'aime encore parce que le Seigneur qui les avait appelés les connaissait. Et avant de les reprendre, il a rétabli le calme dans les éléments. Un poète, s'inspirant de ce récit, a écrit ces belles paroles. « Maître, mon cœur qui chancelle traverse les grandes eaux, et l'orage à ma nacelle livre de rudes assauts. Oh, qui verra ma détresse, d'où me vient le secours? À toi, Seigneur, je m'adresse, c'est à toi que j'ai recours. » Chers auditeurs de notre programme, êtes-vous ballottés par le tourbillon de la vie? L'orage s'attaque à votre nacelle? Êtes-vous dans la détresse? Adressez-vous à celui qui seul peut calmer la tempête. Êtes-vous déjà disciple? Quelqu'un vous aurait-il dit qu'il n'y aurait plus de tempête, plus de détresse, plus de problème? Ce n'est pas le Seigneur qui a fait des affirmations de ce genre. Au contraire, il a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et vous qui ne connaissez pas encore celui qui commande au vent et à la mer, ne tardez pas à chercher en lui votre refuge. À une autre occasion, les futurs proclamateurs de l'Évangile se trouvent de nouveau sur la mer, mais cette fois sans Jésus-Christ. Ils ont de la peine à ramer, car le vent leur est contraire. Jésus, les voyant dans la difficulté, marche vers eux. Il veut les secourir. Mais que lisons-nous? Ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Quoi? Est-ce possible? des disciples, de vrais croyants, peureux à ce point, superstitieux, croyant aux fantômes. Est-ce que Jésus pouvait continuer avec ce genre d'homme? Ne devait-il pas changer son équipe? Écoutez ce qu'il leur dit. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est merveilleux, vous êtes d'accord, mais je pose quand même la question. Est-ce qu'un disciple peut encore avoir peur? Je réponds oui, car si la peur était exclue de la vie du chrétien, pourquoi alors cette répétition constante dans la Bible « Ne craignez pas, n'ayez pas peur » Dieu ne veut pas que nous craignions, mais que nous croyions. Toutefois, notre faiblesse, qui si facilement reprend le dessus, peut nous pousser à la crainte et même à l'angoisse. Donc, détresse, angoisse et crainte peuvent aussi se manifester dans la vie d'un disciple. Mais la parole de Dieu nous console. « Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. » Permettez-moi encore la mention d'un troisième et dernier récit montrant que les disciples étaient bien faibles et fragiles. Je me réfère à ce récit des Évangiles où Jésus a dit à ses disciples « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Et un peu plus loin, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Le Seigneur avait compassion, s'est occupé de ces gens. Il guérit les malades, il enseigne la foule, il parle du royaume de Dieu. Les heures passent, le soir vient, le soleil se couche. Subitement, les disciples s'affolent. Ce lieu est désert, renvoie la foule. Pas de magasin, pas d'argent, pas de provisions. 5000 hommes ayant faim, il y a vraiment de quoi s'affoler. Cependant, ils ne comptaient pas avec celui auquel tout pouvoir avait été donné. Et ils expérimentent son pouvoir. Le pain et le poisson pour nourrir 5000 hommes passent par leurs mains. Et en plus, ils remplissent 12 paniers, pleins des morceaux qui restent. Voici donc encore un exemple où la faiblesse des disciples ne fait qu'accentuer la toute-puissance du Maître. Il leur dira plus tard « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Ils sont comme des vastes terres, mais le Seigneur allait y mettre son trésor. Êtes-vous désespéré de vos faiblesses, de vos défaites? Il vous a appelé, ou peut-être il vous appelle aujourd'hui. « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Écoutez comment la ville de Genève a entendu l'Évangile en son temps. « Quel géant Dieu a-t-il envoyé pour annoncer sa parole? Quel orateur de renom? Quel intellectuel? Quel érudit? Un jeune homme de 22 ans, frêle, timide, de petite taille. Il était inconnu. Défié par un leader fougueux, ce frêle jeune homme confessait « Je suis faible, sans réputation. » Ce à quoi son aîné aurait répondu « C'est une grande chose que de n'être personne. » Et c'est en étant personne, plus que conscient de sa grande faiblesse, qu'Antoine Froment a entrepris son voyage à Genève. Dans sa mémoire résonnaient les paroles de l'apôtre. « Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les choses fortes. » Et c'est par ce disciple faible et sans réputation que l'Évangile est prêché. Des Genevois se convertissent à Jésus, l'ami des pécheurs, homme, femme, enfants entendent l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Êtes-vous faible, peureux, affolé, Cela n'empêche pas le Seigneur qui vous a appelé de vous employer. Il a dit « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Ce que le Seigneur veut, c'est que vous mettiez votre vie à sa disposition. Faites-le en ce jour. Ne résistez plus, mais obéissez.